Il faisait un beau temps, âpre et splendide. Le soleil s'abaissait. Quelques vitres des maisons, dans la cité, brillaient au loin comme des plaques d'or, tandis que par derrière, à droite, les tours de Notre-Dame se profilaient en noir sur le ciel bleu, mollement baigné à l'horizon dans des vapeurs grises. Le vent souffla, et Rosanette, ayant déclaré qu'elle avait faim, ils entrèrent à la pâtisserie anglaise. Des jeunes femmes, avec leurs enfants, mangeaient debout contre le buffet de marbre, où se pressaient, sous des cloches de verre, les assiettes de petits gâteaux. Rosanette avala deux tartes à la crème. Le sucre en poudre faisait des moustaches au coin de sa bouche. De temps à autre, pour l'essuyer, elle tirait son mouchoir de son manchon. Et sa figure ressemblait, sous sa capote de soie verte, à une rose épanouie entre ses feuilles. Ils se remirent en marche. Dans la rue de la Paix, elle s'arrêta, devant la boutique de l'orfèvre, à considérer un bracelet. Frédéric voulut lui en faire cadeau. « Non, dit-elle, garde ton argent. » Il fut blessé de cette parole. « Qu'a donc le Mimi ? On est triste ?» Et, la conversation s'étant renouée, il en vint, comme d'habitude, à des protestations d'amour. « Tu sais bien que c'est impossible. Pourquoi ? Ah, parce que... » Ils allaient, côte à côte, elle appuyée sur son bras, et les volants de sa robe lui battaient contre les jambes. Alors, il se rappela un crépuscule d'hiver où, sur le même trottoir, Madame Arnoux marchait ainsi à son côté. Et ce souvenir l'absorba tellement qu'il ne s'apercevait plus de Rosanette et n'y songeait pas. Elle regardait, au hasard, devant elle, tout en se laissant un peu traîner, comme un enfant paresseux. C'était l'heure où l'on rentrait de la promenade et des équipages défilaient au grand trot sur le pavé sec. Les flatteries des pèlerins, lui revenant sans doute à la mémoire, elle poussa un soupir. « Ah, il y en a qui sont heureuses. Je suis faite pour un homme riche, décidément. » Il répliqua d'un ton brutal. « Vous en avez un, cependant. » Car M. Oudry passait pour 3 fois millionnaire. Elle ne demandait pas mieux que s'en débarrasser. « Qui vous en empêche ?» Et il exhala d'amères plaisanteries sur ce vieux bourgeois perruque, lui montrant qu'une pareille liaison était indigne et qu'elle devait la rompre. « Oui, répondit la maréchale, comme se parlant à elle-même. C'est ce que je finirai par faire, sans doute. » Frédéric fut charmé de ce désintéressement. Elle se ralentissait, il la crut fatiguée. Elle s'obstina à ne pas vouloir de voiture et elle le congédia devant sa porte en lui envoyant un baiser du bout des doigts. « Ah, quel dommage ! Et songez que des imbéciles me trouvent riche !»